الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. La semaine dernière, on s'était arrêté avec غزوة تبوك. Ici, la bataille ou alors l'expédition de Tabouk. On avait pris la première partie de cette expédition. Inch'Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Cette expédition, ici, je vais la séparer en trois cours. Le premier cours, il a déjà été fait. C'était la première partie. Aujourd'hui, le deuxième cours, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et inch'Allah ta'ala, ici, la semaine prochaine, on traitera la troisième partie de cette expédition, غزوة تبوك, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa qad tawaqafna fi al-liqa' al-madi ma'a ahli al-a'dhar. On s'était arrêté la semaine dernière, lors de la dernière rencontre avec ce qu'on appelle ahlul a'dhar, ceux qui ont des excuses, les personnes qui avaient des excuses. Et on avait dit qu'il y avait des personnes, bien sûr, ici, qui avaient des excuses valables, et il y a des personnes qui ont des fausses excuses, d'accord, et qui ici essaient de trouver des excuses simplement pour fuir la vérité, et ici, comme dans leur cas, pour fuir simplement le combat avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et il y avait, bien sûr, à leur tête, ici, les hypocrites. Donc ici, il y avait plusieurs personnes qui ont sorti plusieurs excuses. On avait cité des exemples au fur et à mesure, on avait cité des versets coraniques, on avait cité ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit d'eux, et on s'est arrêté là. On n'avait pas tout cité, et j'avais laissé le reste pour cette semaine ici, et c'est pour ça qu'on va voir la suite bi'idnillahi azza wa jal. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ceux qui cherchaient des fausses excuses dans le Coran al-Karim, et on est toujours dans sourate at-Tawbah. Donc quand on parle de Ghazwat Tabuk, on parle ici particulièrement de sourate at-Tawbah. Quand on parle de Ghazwatul Ahzab, la bataille des coalisés, on parle de Surat Al-Ahzab. Donc ici, connaître la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ça nous permet aussi, comme on avait vu dans l'introduction de cette biographie, ici ça nous permet aussi de connaître et de profiter ici de beaucoup de questions concernant Al-Fiqh, la jurisprudence, concernant Al-Aqidah, les dogmes islamiques. Et ici, ça nous permet aussi de méditer et comprendre le Coran al-Karim, car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran al-Karim, il cite plusieurs fois des choses qui ont eu lieu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr. Donc ici, on retrouve, à travers les paroles d'Allah azza wa jal, les faits qui se sont produits, les paroles qui se sont dites à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On retrouve des situations qui ont eu lieu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comme ici, Ghazwatul Ahzab. Quand on lit Surat Al-Ahzab et que quelqu'un a étudié la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, particulièrement Ghazwatul Ahzab, quand il entend les versets de Surat Al-Ahzab, il est plus dedans. Il peut comprendre mieux ici ces versets coraniques qu'une personne qui n'a pas du tout médité, appris, compris qu'est-ce que c'était que Ghazwatul Ahzab. Wa kadhalik, ici Surat Tawba, celui qui a vécu ici à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il y a eu lors de cette expédition-là avec le prophète, avec les compagnons, etc., lors de cette expédition qui est l'expédition de Tabouk, quand il va entendre Surat al-Tawba, il va être plus concentré et il va ici voyager à travers ces versets coraniques, contrairement à celui qui n'a jamais étudié ici l'expédition de Tabouk. Donc parmi les bienfaits de l'étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de comprendre mieux Al-Qur'an al-Karim, Kalam al-Rahman, la parole du miséricordieux. Ala kulli hal. Allah Azza wa Jal dans Surat At-Tawba, il parle encore de ces personnes qui ont trouvé maintes excuses fondées sur les passions, les plaisirs, etc., simplement pour fuir la vérité. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ici à certains, il les a excusés, parce que le prophète alayhi salam, il jugeait quoi? L'apparent. D'accord? Donc il disait une chose, khlas, il croyait. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces gens-là, et il dit dans le Coran al-Karim, dans Surat At-Tawba, verset 43, الله سبحانه وتعالى يدي وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله عز وجل يدي كالله تبردون. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disent vrai et connaître les menteurs? Ceux qui croient en Allah au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes, et Allah connaît bien les pieux. Allah dit ensuite, ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont remplis de doute. Dont les cœurs sont remplis de quoi? À chaque le doute, wal'iyadu billah. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude, et s'ils avaient voulu partir au combat, ils lui auraient fait, certes, ou préparé des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah, il les a rendus paresseux, et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Restez avec ceux qui restent. Allah dit, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et Allah connaît bien les injustes. Sadaqallahu al-azim. Naam, Allah certes a dit la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit vrai quand il parle de ces gens, ces éléments perturbateurs, qui ont cherché maintes excuses, des fausses excuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que s'ils étaient véridiques, ils ne t'auraient pas demandé la permission. Mais au contraire, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient préparés directement. Mais ils n'ont rien fait pour se préparer. La preuve que c'est des menteurs. Ils disent, on aurait voulu participer. Et ça, c'est apprendre de façon générale. Et dans plusieurs contextes différents, même à notre époque. Ici, des gens qui trouvent maintes excuses, mais qui ne font pas les causes. Ça, c'est la preuve que c'est des menteurs. Wallah, ici, j'avais du temps, j'aurais appris ma religion. Mais quand il a du temps, il ne fait rien pour apprendre sa religion. Qu'est-ce qu'on lui dit? Kadhab, menteur. C'est un menteur ou pas? C'est un menteur. Eux, ils disaient, wallah, on aurait voulu partir avec vous. Allah Azza wa Jalla dit, non, les vrais croyants qui croient en Allah au jour dernier, ils ne te demandent pas la permission. Et s'ils étaient véridiques, ils auraient fait quoi? Des préparatifs. Mais eux, ils n'ont pas fait des préparatifs. En plus de ça, Allah Azza wa Jalla dit, il rappelle que c'est un bien qui ne participe pas. Donc ça sert à rien de les pousser. Et ça, on revient. Et ça nous fait rappeler à quel ghazwa c'est là? Ghazwatul Ahzab. Ghazwatul Ahzab, c'est ça? On avait vu ça dans Ghazwatul Ahzab. Les gens qui quoi? Qui ici, ils trouvaient maintes excuses, etc. Allah Azza wa Jalla, il rappelle que ces personnes-là, ça ne sert à rien d'essayer de faire tout pour gagner leur cœur, pour les ramener avec nous quelquefois, etc. Quoi, être des aimants, des gens qui cherchent des fausses excuses. Parce que si ils viennent avec toi, ils ne seront pas sincères. Et quand tu as une personne avec toi qui n'est pas sincère, qui a le doute, qui n'a pas de conviction, il va te causer plus de tort qu'autre chose. Allah Azza wa Jalla l'a dit sur eux. Il dit, restez ou dites-leur, restez avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs. Regardez à quoi ils auraient servi. Ensuite Allah il dit, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. C'est ça le problème. Il y en a parmi vous qui les écoutent. Donc ces personnes-là, khlas, laisse-les. On avait vu dans le pacte d'Al-Hudaybiyah, où le prophète alayhi afdalus salat wa as-salam avait fait beaucoup de concessions. Mais quand il a entendu la parole, ici des Quraysh qui ont dit, parmi les clauses, c'est si une personne ici qui est à Médine veut quitter vos rangs et venir vers chez nous, vous le laissez. Voilà qu'il y a une personne qui est à Mecca et qui veut venir vous rejoindre et qui vous rejoint, vous devez nous le ramener. C'est juste ou c'est pas injuste? Ou c'est injuste? C'est injuste, c'est inéquitable. Le prophète Hassan il dit c'est pas grave, khlas. Donc ici le prophète Hassan il a fait des concessions pour que quoi la porte de da'watu illallah azza wa jalla soit ouverte sans verser le sang. Regarde le prophète, il voyait loin et il regardait quoi? Al maslahatul amma. Et c'est pour ça qu'il y a une règle en islam qui dit al maslahatul amma muqaddamatun ala al maslahatil khassa. Ici quand on regarde toujours l'intérêt général des musulmans et l'intérêt général des musulmans prime toujours sur l'intérêt d'une seule personne ou d'un petit groupe de personnes. On regarde toujours là, ici, l'intérêt général des musulmans. Ala kulli hal, le prophète, il a rappelé quoi aux compagnons? Il a rappelé que, khlas, ceux qui seront là-bas, ils vont patienter, incha'Allah ta'ala, et le secours d'Allah Azza wa Jal viendra. Comme ceux qui les ont précédés ont patienté. Amma ceux qui sont chez nous et qui veulent quitter nos rangs et partir avec eux, tant mieux, on va les laisser. C'est mieux ou pas? Pourquoi garder des déchets avec soi? Et qui, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, ils vont créer le trouble dans vos rangs. Ils vont créer la dissension, la désunion dans vos rangs. Et certains vont, ils vont quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla? Certains vont les écouter, c'est ça le problème. Parce qu'il y a des faibles. Il y a des gens, quelquefois, ils sont faibles. C'est pas ils ont une mauvaise intention. Ils sont faibles, plus faibles que d'autres. Et il y a des gens, ahlul fitan, les gens qui aiment bien répondre à al-fitan, etc. Ils tapent quoi? Ou ils vont viser qui? Ces personnes. C'est Allah qui dit, c'est kalamullah. C'est Allah Azza wa Jalla qui parle dans le Coran al-Karim. Ils vont viser les personnes qui sont plus faibles. Ce qu'on appelle, hein, les gens qui ont quoi? Al-niyya. Hein, on est les gens un peu naïfs. C'est ça qui ne sait pas, ils ont le doute dans leur, mais ils sont faibles, ils ont pas encore de science, ou ils sont nouveaux dans la religion, ou alors, et ceux-là, ahlul fitan, ou alors les hypocrites, ou les gens qui ont des maladies dans leur cœur, vous pensez qu'ils vont voir quel type de personnes d'abord? Ils vont voir les plus anciens, ceux qui sont ancrés? Non, ils vont voir d'abord les personnes les plus faibles. Et ça, c'est connu. Et ça, c'est Al-Qur'an Al-Karim. Ici, qui le dit, c'est Allah Azza wa Jalla qui le dit dans Al-Qur'an Al-Karim. Donc ici, c'est pour ça que nous disons, quand il y a des gens, ici, qui ne veulent pas la vérité, toi, il est de ton devoir de lui montrer la vérité. Et quand cette personne, elle persiste dans son égarement, ici, tu dois t'écarter de cette personne. Car, non seulement elle va faire du mal pour la religion, mais en plus, elle va créer la désunion aussi entre entre les rangs des croyants, entre les rangs des véridiques, entre les rangs de ceux qui n'ont pas d'énormes maladies dans leur cœur, mais qui veulent la vérité, mais qui sont faibles. Comme Allah Azza wa Jalla a mentionné dans le Coran al-Karim, il parle de ceux qui ont des fausses excuses. Donc on avait parlé de ceux qui avaient des fausses excuses, et on avait donné plusieurs exemples. Certains qui citaient plusieurs excuses, et on avait donné le fait que des gens aussi utilisent l'excuse qui est très connue de la femme et des enfants. On avait cité ça la semaine dernière. Ceux qui disent, oui, mais j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je peux pas suivre des cours, je peux pas travailler, je peux pas aider, je peux pas se... Pourquoi? La femme et les enfants. On avait cité les versets coraniques, et on avait cité l'explication du verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit, ya alladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ibn Abbas radiyallahu anhu an abi, dans le hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Ça, c'était des gens qui ont été retenus à Médine par leurs femmes et leurs enfants, alors que eux, ils voulaient rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam. Il voulait rejoindre le prophète alayhi sallam, plutôt il voulait rejoindre le prophète alayhi sallam afwan à Médine. Et ils ont été retenus par la femme et leurs enfants. Et ici, quand ils sont partis rejoindre le prophète bien après, et qu'ils ont vu les compagnons qui avaient appris énormément avec le prophète, ils se sont tournés vers leurs femmes. Ils ont dit ça à cause de vous, Ntouma. Allah Azza wa Jalla a dit, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Il y a dans vos femmes et vos enfants un ennemi. Fahdharuhum, surveillez-les. Wa'inta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a révélé ce verset coranique? On a visité. Pourquoi? Khalas, si vous voulez les corriger, vous voulez les frapper. Allah, il a dit, khalas, si vous leur pardonnez, vous passez sur leurs erreurs. Allah Azza wa Jalla les sert. Allah Azza wa Jalla, il accepte le repentir. Allah, il pardonne les péchés. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, khalas, ça y est. Ce qui est fait, fait. Mais regardez, là, c'est pour nous rappeler que quoi? Ici, ta femme, tes enfants ne doivent jamais être un obstacle dans ton avancée, dans ta religion. Et vice versa. Pareil, pour la femme, son mari ne doit jamais être un obstacle pour son avancée dans la religion. Coûte que coûte, il faut qu'elle avance dans la religion. Khlas, ça, ce n'est pas des excuses valables. Ma femme, mes enfants, etc., etc. Et on avait dit qu'il y avait des gens aussi comme ce compagnon, radiyallahu ta'ala anhu arda, qui est Al-Jidd ibn Qais, qui a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, regardez jusqu'où ils ont été, Allah al-Musta'an. Et il a dit, ya Rasulallah, au messager d'Allah, tu sais ici l'attirance que j'ai, moi, je suis une personne qui est attirée par les femmes. Regardez toutes les excuses possibles. Je suis une personne qui est attirée par les femmes. Et je crains d'être attirée par les femmes de Byzance. Donc pendant le combat ou si elle butin, je crains d'être attirée par les femmes. Donc ici, permets-moi de me rester, de rester ici. Et ça pour dire, c'est une excuse valable, c'est les femmes, c'est le fitna, c'est haram. Donc j'ai une attirance, vaut mieux que je préserve ma religion. Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique où il dit, subhanahu wa ta'ala, tel d'entre eux disent, donne-moi congé, ne me soumets pas à la tentation. Quoi? C'est Allah qui dit, quoi? Ne sont-ils pas déjà tombés dans la tentation? Certes, Jahannam, la Jahannam, l'enfer, aura tôt fait de cerner les dénégateurs. Pas d'excuses, ya Abdallah. Ne sors pas des fausses excuses. Comme quelqu'un va nous dire maintenant, moi, je ne peux pas venir à titre d'exemple à un cours. Pourquoi, ya Abdallah? Je ne suis pas là pour faire l'inspecteur qui vient et vient, qui vient pas, qui vient pas. De façon générale, on est dans un cours, hein. Quelqu'un va dire ça. Donc, il va te dire, moi, je peux pas, j'ai mes enfants. Khlas. Son fils, il est malade, il doit rester, le médecin doit arriver. C'est une excuse ou pas? C'est une excuse. J'ai mes enfants juste parce que mon fils, il me manque, ou ma femme, elle me manque, ou je ne sais quoi encore. C'est une excuse ou pas? C'est une fausse excuse. D'accord? Donc, on dit aux gens qui disent des excuses. Ici, pour se détourner des actes d'adoration. Awalan, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle avec les gens, je parle pas avec les murs et les poteaux. Avec les gens. Craignez Allah. D'accord? Deuxièmement, soyez véridiques. Écoutez bien. Avec vous-même, avec les gens et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez véridiques avec vous-même, avec les gens et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme قال عليه الصلاة والسلام, إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Allah, le prophète, il a rappelé ça dans le hadith al-sahih connu. Ici, le fait d'être véridique, le fait de ne pas mentir, le fait de dire que la vérité mène vers le bien et le bien mène vers au paradis. Et le serviteur ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme véridique. Et le prophète alayhi sallam dit quoi? Innal kadhib yahdi ila al-fujur. Ici, le mensonge mène vers la débauche. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. A'adana Allah wa iyyakum min an-nar. Et la débauche mène vers l'enfer. Et le serviteur ne cesse, ou la personne ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal. Menteur, wal'iyadu billah. Donc, on se ment pas à soi-même, aux gens et à Allah. Allah, il dit dans le Coran, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Ça, c'est taqwa Allah azza wa jal. Et ça, c'est l'aqida. Et ça, c'est le tawhid. D'accord? Ça fait partie de l'aqida. Le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا. Et ton Seigneur n'oublie rien. Ne sois pas comme les hypocrites. Qu'Allah a décrit dans le Coran al-Karim. بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Allah Azza wa Jal dit, ils essaient de tromper Allah Azza wa Jal et ceux qui ont cru. Walakin, ils ne font que tromper que leur propre personne. Ils ne trompent que leur propre personne. Ils ont dans leur cœur des maladies. Allah a laissé croître leur maladie. Et ils auront un dur châtiment de la part de leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et quand on leur dit, la tufsidu fil ard, qalu, quand tu dis, non, ne répandez pas la corruption sur terre. Tu lui fais nasiha. Tu lui dis, taqillai azza wa jal. Regardez, ils embellissent leurs actions. Ils continuent à se mentir à eux-mêmes, à Allah azza wa jal et aux gens, wal'ayyadu billah. Donc c'est pour ça que je te dis, ya Abdallah, ne te mens pas à toi-même, ne mens pas aux gens, ne mens pas à Allah Azza wa Jal, car sinon tu ressembles aux hypocrites. Et quand on leur dit, la tufsidu fil ard, ne répandez pas à la corruption, le mal, etc. Ils disent quoi? Ils disent, nous sommes que des réformateurs, muslihoun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah, il dit quoi? Ce sont eux les corrupteurs. Walakin, ils ne s'en rendent même pas compte, wal'iyadu billah. Donc, qu'on ne soit pas comme les gens. Donc quand on ne peut pas pratiquer un acte d'adoration, ou on ne veut pas aider fi sabilillah, ou on ne veut pas faire ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Donc nous on n'est pas au stade, leur stade d'aller au combat comme eux ils étaient en été, à leur soleil de plomb, et c'était pendant des journées très dures, des nuits très dures comme on va continuer à le voir dans les détails, où ils allaient risquer de mourir, etc. Nous on dit simplement quelquefois, il faut s'investir pour da'watu ila Allah azza wa jal. C'est le même constat. D'accord, c'est le même constat au jour d'aujourd'hui qu'on voit chez beaucoup de frères et sœurs malheureusement, illa man rahim Allah. Donc ici, on ne trouve pas des fausses excuses wal iyad billah. Mon frère, pourquoi tu viens pas au cours? Wallah, j'avais quelque chose à faire chez moi. Il rentre, je détourne le mensonge pour pas que je mente auprès d'Allah Azza wa Jal. Bon, je remplis un papier, comme ça je peux pas mentir, j'avais quelque chose à faire chez moi. En plus ça, il s'allonge ensuite, il regarde le match de foot. Ça c'est mentir à qui ça? Il se ment à qui là? Si on a bien compris. À lui-même, à qui encore? Aux gens et à Allah. C'est grave ou pas? Ça c'est qui réagissait comme ça? C'est les hypocrites ou c'était les croyants véridiques? C'était qui? C'était Abu Bakr as-Siddiq qui réagissait comme ça? Ou c'était le groupe des hypocrites? Wal'iyadu billah. Ça c'est le groupe des hypocrites. Ne mens pas, dis la vérité. Allah dini, Allah ghalab ya akhi al-habib. Allah ghalab, moi je veux regarder le match de foot. Allah dini. Khlas, ne mens pas. Ou alors dis rien, mais ne mens pas. Parce que ça ce n'est pas un jeu, c'est din. Hada din, ça c'est la religion, on ne ment pas, ya ibad Allah. Et celui qui prend l'habitude de mentir, wallah, il va mentir un jour ou un autre sur Allah ou sur le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a maudit celui qui quoi? Qui ment pour faire rire les gens qui sont autour de lui. Même si les gens savent que c'est un mensonge. Toi, tu sais que tu n'as pas droit. Comme il relatait dans un hadith authentique où une femme, elle a appelé un enfant et elle lui dit, viens, viens, viens. Le prophète alayhi salam, il lui a dit, est-ce que tu lui as donné quelque chose? Tu avais vraiment quelque chose dans la main? Elle lui a dit, naam. Il a dit, sinon, si tu n'avais rien, qu'est-ce qu'elle aurait eu cette femme-là? Tu aurais menti. Ça aurait compté pour elle. Ici, c'est comme si elle avait commis un péché. C'est-à-dire comme si elle avait menti à une personne âgée. C'est la même chose. Même à un enfant, on ne peut pas mentir. Même à un enfant qui est, il n'a pas encore la raison. Il a 2 ans. On ne peut pas mentir. Un bébé, on ne ment pas. C'est ça l'islam. Pourquoi? Pour fermer la porte au mensonge et pour pas être parmi les personnes qui sont concernées par le hadith authentique où le prophète alayhi salatu wassalam dit, comme a fait Sahih al-Bukhari, man qala alayya man lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui dit une chose sur moi que je n'ai pas dit, qu'il cherche sa place en enfer, wal'iyadu billah, ou qu'il prépare sa place en enfer. Ça c'est quoi? La personne qui prend l'habitude de mentir, il sera un jour ou un autre mené à mentir sur la religion, sur Allah, sur le prophète alayhi salatu wassalam, wal'iyadu billah. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus dans la communauté des gens qui s'appellent des... ceux qui s'inventent le monde, un monde. Même lui il sait plus s'il ment ou pas. Mythomane. Combien on en voit? Mohamed Karim, Abdullah, mashallah, mythomane. Il ment jour et nuit, il ne peut pas s'empêcher de mentir. Donc on dit, ittaqillah, dit, j'étais devant un match de foot. Voilà, je voulais voir le match de foot. Hier, il y avait match de foot ou pas? Là, tout le monde attendait, Josiel, il a pris l'autoroute, donc il voulait arriver là. Hein, il y avait un match de foot hier, mashallah. Qui a gagné? Match nul. Match nul. Attends, regardez les deux, toi. Ah, il y avait un autre. Attends, regardez là. Ah, d'accord, khlas. L'autre 4. D'accord, khlas. Qui a gagné? 4, 4-0, mashallah. 4, qui a gagné? Qui a gagné? Hein? Personne. C'est la meilleure réponse. Qui a gagné? Allah Azza wa Jalla, quand il a interdit Al-Khamr dans le Coran Al-Karim, il a interdit les jeux d'hasard, il a interdit ces choses qui sont nuisibles pour les musulmans. Parmi les causes principales de leur interdiction, c'est pourquoi? C'est quoi? Détournement de la religion, certes, mais surtout, ça rejoint, mais plus précisément, c'est détournement de la religion, plus précisément. Allah Azza wa Jalla, pourquoi il dit dans le Coran Al-Karim? Car c'est des choses qui vont créer quoi? Les disputes entre les gens, c'est sûr, c'est clair. Tout ce qui concerne le maïs, les jeux d'hasard, ou alors l'alcool, ça crée quoi? Les disputes entre les gens. La cause principale, ou parmi les causes principales pour lesquelles ils ont été interdits, c'est-à-dire ces jeux d'hasard, l'alcool, etc., c'est pour éviter qu'il y ait quoi? Des disputes. Comme ils disent, ahlul ilm, ahlul dhikr, tout jeu qui accompagne ou alors qui cause une dissension entre deux frères, entre deux groupes de frères, entre des musulmans, c'est-à-dire même si le jeu à la base il est licite, le jeu il devient illicite. Maintenant, on voit deux pays musulmans qui jouent au foot, mashallah, ces deux pays musulmans qui disent tous ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, ils ont la même langue, mashallah, ils ont la même religion, mashallah, ils se disent frères, mashallah, pour un morceau de cuir rempli d'air, ils sont prêts à se tuer, ils s'entretuent. Et la haine, qui a gagné hier? Barakallahu fikum. Shaitan a gagné. Shaitan a gagné. Rapporté par l'imam muslim. Qui a gagné? Shaitan, il dit pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il veut jouer, il veut rire? C'est n'importe. Rapporté par l'imam muslim. Prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit le trône de Shaitan, il est où? Sur l'eau. À chaque fois, Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Il fait appeler, c'est Ash-Shayatin, les khaddam, mashallah. Qu'est-ce que t'as fait? Moi j'ai fait ça, tu n'as rien fait. Jusqu'à ce qu'il y ait un qui vient parmi Shayatin, il dit, moi j'ai été la cause de la dissension entre deux croyants. Par exemple, dans un couple, un tel s'est séparé, je les ai pas laissés jusqu'à ce qu'un tel répudie sa femme. Il dit, ni'ma ant. Toi t'es le meilleur, toi. La chose que Shaytan il préfère, c'est quoi? La chose ou parmi les choses qu'Allah Azzawajal préfère. La chose que Shaytan plutôt déteste le plus, c'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère le plus, c'est-à-dire wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. C'est quoi? Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Ces versets coraniques qui nous rappellent que quoi? La désunion, c'est un mal. L'union, c'est parmi les choses qu'Allah azza wa jalla veut le plus pour notre communauté, pour les croyants et les croyantes. Shaitan il déteste ça. Donc qui a gagné? Shaitan il a gagné. Khlas, une raison de plus encore dans un match qui va mettre encore plus la haine entre deux pays musulmans, deux groupes de croyants, mu'min, alhamdoulilah, croyants des deux côtés. C'est une cause qui va apporter plus de haine ou pas? C'est qu'on le veuille ou non. Même celui-là qui va dire oui, on roi, moi, peu importe, mais au fond, alors, dommage que les autres ont quand même, mon pays n'a pas gagné ou là. C'est quoi ça, subhanallah, l'adim? On est arrivé à quel stade? Et par rapport à ça, en plus, on prend des choses qui, même si la chose à la base, elle est halal, mais comme la règle dans Usul al-Fiqh, elle nous dit, toute chose qui est licite à la base mais qui mène vers une chose illicite, la chose qui est à la base licite devient illicite. Une chose qui est devenue illicite, on l'utilise pour se détourner de quoi? Al-ibadat. Assister à des cours. Je ne parle pas de hier ou l'autre, mais je donne un exemple. Assister à des cours, assister, aller au pèlerinage ou alors donner zakat. Yani, quelquefois, on utilise des choses qui sont illicites, wal-iyadu billah, pour se détourner des choses licites. Est-ce que ça, c'est le comportement des hypocrites, billahi alaykum, d'après ce qu'on vient de voir? C'est le comportement des hypocrites. Donc on se doit de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que Allah azza wa jalla a parlé d'eux et a rappelé que c'était des fausses excuses. Ala kulli hal, on continue. Ici, Ghazwatu Tabuk. Ici, elle s'apparente à Ghazwatu al-Ahzab. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Là, ils sont pas encore partis. Là, ils n'étaient pas encore partis. Là, on voit juste simplement les mille et une excuses que chaque personne, surtout parmi les hypocrites, ont sorti. Ala kulli hal, ils sont partis, khlas. Il y a eu les croyants, mashallah, et ils sont partis, ils ont pris la route. Sur la route, le prophète alayhi salatu wa salam, bien sûr, avant de partir, il avait nommé Ali radiyallahu ta'ala anhu arda pour être gouverneur de Médine. Parce qu'il faut, laisser des gens costauds derrière. Ça veut pas dire que quand, par exemple, une personne, à titre d'exemple, là, comme le prophète alayhi salam, il était parti au combat, il va pas prendre les meilleurs des gens avec lui. Il était obligé de laisser des élites aussi à la tête, parce qu'il y a Médine derrière. Il faut assurer ses arrières. Et c'est comme ça. Donc ici le prophète Hassan, il n'a pas laissé n'importe qui, il a laissé Ali radiyallahu anhu arda. Mais regardez les gens sincères. Est-ce que Ali s'est dit à votre avis, bon, alhamdoulilah, il m'a mis, moi au moins, je suis débarrassé, Tamara, ici en plus c'est le soleil, en plus le combat, peut-être risquer ma vie, moi je suis tranquille ici. Regardez Ali ibn Abi Talib, il a entendu les hypocrites en train de rire de lui. Jusqu'à ce que certains disaient plusieurs paroles qui lui ont fait mal. Jusqu'à ce qu'ils ont dit, regardez, le prophète, alayhi salam, regardez, Mohammed, il a laissé Ali pour s'occuper du fardeau, ou lui laisser le fardeau ici à Médine. Zama, ce qu'il y avait de plus nuisible ici. Et eux, ils sont partis pour prendre ce qu'il y avait de meilleur. Regardez, il savait comment blesser les gens. Ali ibn Abi Talib, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses armes, il a pris sa monture, il est parti rejoindre le prophète, alayhi salam. Il a dit à Rasulallah, il dit, regarde ce qu'ils disent ici. Al-Munafiqun ici à Médine, moi je veux participer avec vous. Le prophète alayhi salatu wasalam, regardez ce qu'il dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, et là on voit quoi? La sincérité des compagnons. Le prophète il a dit, ici ce sont des menteurs, ce sont des menteurs, à deux reprises. Le prophète alayhi salam, il a dit, ce sont des menteurs, ce sont des menteurs. Il lui dit, oh Ali, ne veux-tu pas être comme a été Harun avec Moussa alayhi salam? Regardez comment l'importance qu'il a donnée à Ali. Ne veux-tu pas être comme Harun a été pour ou avec Moussa alayhi salam? Et ici, le prophète alayhi salam, il a dit, si ce n'est qu'après moi, il n'y aura, à différence près, qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Et là, Ali radiallahu ta'ala anhu arda, il a été apaisé par ces paroles du prophète alayhi salam, il est reparti, alhamdoulilah, à Médine. Donc, ils avaient faim. Ils avaient faim de quoi? De l'ibadat, des actes d'adoration, de l'adoration, de la récompense. Ils voulaient le paradis, ils voulaient le jannah, ils voulaient satisfaire Allah et son message. Ils étaient sincères, ils étaient véridiques. Ils n'avaient plus rien à prouver d'autre, ces compagnons. Ils ont tout prouvé déjà, alhamdoulilah. Regardez là, le comportement de Ali radiallahu ta'ala anhu arda, alors que les gens se battaient, trouvaient mille excuses pour pas aller. Lui, il avait une excuse valable. Et malgré ça, il voulait, il allait au-dessus encore. Des excuses valables, il allait au-dessus. Nous, quelquefois, on a 0,0 excuse et on essaie de trouver encore d'autres excuses. Subhanallah al-adhim. On n'a aucune excuse valable et on cherche et on réfléchit pour trouver des excuses, des fausses excuses. Min al-mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Et Allah Azza wa Jalla parle des compagnons, il dit, wa ma baddalu tabdila, ils n'ont varié en rien dans leur engagement. Ils n'ont pas changé leur comportement. Ils ont été sincères du début jusqu'à la fin. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc le prophète a continué la route et il était parti. Il était sorti, comme il est relaté dans Al-Bukhari wa Muslim, il était sorti un jeudi. Et il est relaté dans des récits prophétiques authentiques que le prophète Al-Sam sortait souvent le jeudi. Il aimait sortir le jeudi, le prophète Al-Sam, pour faire des voyages. Et c'est pour ça que les savants, Ahlul Ilm, disent que le fait de voyager le jeudi, Yom Al-Khamis, min as-sunnah, ça fait partie de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de voyager le jeudi afwan, ici ça fait partie de la sunnah. Et bi idnillahi subhanahu wa ta'ala, entre parenthèses, ici inshallah ta'ala, comme on est proche de la fin de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, peut-être, ce n'est pas sûr, peut-être bi idnillah, quand on terminera la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on va lancer une autre série, j'hésite encore, je ne sais pas encore quoi exactement, mais sûrement, ici, une série qui concerne les actes de politesse ou de bienséance. Et on va en parler du voyage. Ça, c'est une série qui me tient à cœur, wallahi, qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire comment yani, se comporter face à, je cite, et on va citer plusieurs sujets. Quand on voyage, quand on mange, quand on discute avec une personne, quand on est invité, quand on visite un malade, quand... et chaque cours, ça sera un sujet précis et dans les détails, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est conforme à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, je n'ai été envoyé, ou comme قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes manières. Donc ici, pour poursuivre le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام, on se doit de savoir comment le prophète a voyagé dans les détails, comment il a été son comportement quand il était invité, quand lui il invitait, quand il visitait un malade, quand il mangeait, quand il discutait, quand il marchait. Ça, on va le voir bi-idhnillah azza wa jal dans une série prochainement, inshallah ta'ala. Ala kulli hal, on parlera dans les détails du voyage, mais ce qu'on sait, c'est que voyager le jeudi, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, on a parlé de l'étape quand ils étaient là-bas à Médine. Là, on commence à parler quand ils voyagent. Quand ils voyagent, on avait dit qu'ils ont souffert. On avait cité des textes la semaine dernière. Parmi les textes, il y a ce qui est rapporté par l'imam muslim, où il est rappelé qu'ils étaient très affamés. On avait dit assoiffés, on va le revoir inshallah ta'ala, mais ils étaient affamés. Un soleil de plomb. Ils partaient. Ils avaient peu de moyens. Ils étaient affamés. Imaginez-vous. Regardez le prophète Hassan quand il parle de safar. Dans Sahih, il dit quoi? Shiqqatu min al-adhab. C'est une partie, ici, avec une traduction approximative, du châtiment. On sait très bien le voyage. Quand on voyage, c'est difficile. Le prophète Hassan, il a dit à 14 siècles à Abdallah. Quand tu voyages, en général, même si tu pars deux jours, trois jours, t'as hâte en général de rentrer chez toi. Même si tu pars en vacances. C'est vrai ou pas? Même quand on part en vacances, le prophète l'a dit à 14 siècles, c'est une partie de châtiment. Même quand tu pars en vacances, ici, à la fin, t'as hâte de rentrer chez toi. Parce que tant que tu n'es pas chez toi, tu n'es pas, yani, à l'aise. Même si tu es en vacances, ça c'est connu. Alors imaginez-vous, ça je parle des vacances, imaginez-vous de eux qui voyageaient assoiffés, affamés, sous un soleil de plomb, et ils faisaient des marches et des marches et des kilomètres à pied, alors qu'ils savaient que à la fin du voyage, c'est pas, ils allaient dire, bon, alhamdoulilah, nous on fait un voyage par exemple un jour et demi, on arrive Maroc, Algérie ou autre, il nous faut 3 jours, on dit, ah, je suis KO mon frère, j'ai roulé pendant 20 heures ou 25 heures, à Yen pendant 3 jours, on me parle plus. Et ça, tu sais que t'es en vacances, rah, alhamdoulilah. Eux, pendant des jours et des jours, assoiffés, affamés, soleil de plomb, et ils savaient que ils allaient rencontrer l'ennemi, qu'ils allaient combattre, et il fallait toutes les forces, etc., etc. Et avec ça, alhamdoulilah, est-ce qu'ils ont varié dans leur engagement? Wa ma baddalu tabdila. Voyez maintenant, makan as-sahaba ici, le degré, le rang qu'ont les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, est-ce que c'est une honte de pas étudier leur vie? Est-ce que c'est une honte de ne pas raconter leur histoire à nos enfants? Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Donc regardez ici quel ici rang ils avaient atteint. Ils étaient affamés dans Sahih Muslim et ici ils voulaient égorger un moment tellement qu'ils avaient faim des bêtes, mais ils n'avaient pas assez de bêtes déjà, assez de montures pour que chacun ait sa monture. Donc ils voulaient ici sacrifier des bêtes. Le prophète alayhi salatu wasallam il avait donné l'autorisation, mais Omar ibn al-Khattab ici il est venu. Regardez Omar al-Farouq radiyallahu anhu wa ardahum. Regardez avec toute cette épreuve, pourrait dire ça, même lui va dire moi aussi j'ai faim. Regardez les compagnons. Wallah, il a dit, quand quelqu'un médite sur leur vie, il dit, subhanallah, c'est un autre monde. Ici, qu'est-ce qu'il dit Omar avec tout ça? Alors qu'ils étaient tous affamés, le prophète, il dit, oui, khalas, égorgé. Ça, on va manger. Omar, il dit, non, ne faites pas. Subhanallah. Il dit à Rasulallah, si on égorge, si on sacrifie, on n'aura plus assez de monture pour continuer la route. Radiyallahu anhu wa arda. Le prophète, il a dit, si, laisse-les sacrifier. Khalas, laisse-les. Donc ils ont sacrifié quand même les bêtes et dans Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète alayhi salam il leur a dit chacun ramène ou rapporte tout le reste de ses provisions qu'il avait de côté. Donc ils ont tous, le prophète il a tiré une natte et il a rejoint toutes les provisions qu'ils avaient chacun de leur côté et ici pour ici de essayer de faire un grand repas pour que chacun puisse en profiter. Et le prophète alayhi salatu wassalam, ça fait partie des miracles du prophète alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que ici il y ait le baraka, la bénédiction ici qui descendent sur cette nourriture. Et ensuite ici ils ont pu tous prendre des provisions et manger à leur faim, et ça ça fait partie des miracles ici, et c'est la cause, c'est Allah qui l'a voulu. Ensuite la cause ça a été bien sûr l'invocation du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, et ils ont pu ici reprendre la route walillahi alhamd. Donc ici le prophète alayhi salatu wa salam, après avoir invoqué Allah Azza wa Jal et que la nourriture se multiplia, ici ils ont mangé, le prophète Alayhi Salam il a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, « Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que moi je suis le messager d'Allah et alayhi salatu wa salam. » Et il dit, le prophète Alayhi Salam, « Aucun serviteur ne rencontrera son Seigneur avec cette parole, sans douter, sans aucun doute, sans qu'Allah Azza wa Jal lui accorde le paradis. » Donc le prophète Alayhi Salam il a dit ça, après à la suite, comme il le relatait dans Sahih Muslim. Et dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et At-Tabarani, ici, et le hadith, il a été jugé bon par Cheikh l'Albani, Hassanahu l'Albani, selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, qui a dit, nous partîmes sous la canicule et nous fîmes halte en chemin dans un lieu où nous eûmes une soif terrible, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab. Donc on a vu qu'ils avaient très faim, canicule, et là la soif, rapportée par At-Tirmidhi et Tabarani. Et ici, il dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda, à un point, ici, où nous eûmes une soif terrible, à un point qui nous fendait, ou que le soleil nous fendait la nuque, des hommes égorgeaient leurs chameaux, ici pressuraient leur abat et buvaient le liquide qui s'y trouvait. Et ils appliquaient ensuite les résidus encore humides sur leur ventre du côté du foie. Puis Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, il dit, ô messager d'Allah, Allah a toujours exaucé ta prière. Prie donc pour nous, faites dua pour nous. Ça y est, regarde, y a Rasulallah, on n'en peut plus. Et ici le prophète alayhi salatu wasalam leva ses mains vers le ciel et ne les avait pas encore baissées comme il dit Omar ibn al-Khattab, qu'il commença déjà à pleuvoir. Et il dit Omar ibn al-Khattab, ici après vérification, on a remarqué que cet inverse ici n'avait touché que l'endroit où nous étions. Et ça fait encore partie des miracles ici lors de l'expédition de Tabouk. Le prophète alayhi salam, avant qu'il baisse ses mains, Allah il a fait tomber la pluie, mais que dans l'endroit où ils étaient eux. Quand ils regardaient à l'horizon, il pleuvait pas, nulle part il pleuvait. Et ici ça fait partie des miracles du prophète alayhi salam. Et donc ça c'était la cause, c'est qui? C'est Allah qui l'a voulu. Ensuite la cause c'est la dua du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Pendant la route encore, alors qu'ils étaient assoiffés, ils étaient affamés, et qu'on a cité les hadiths concernant cette situation là, ils étaient sur la route et ils sont passés par un endroit, donc je pense que vous avez déjà entendu ce récit là, ça concerne Ghazwatu Tabuk. Ils sont passés par un endroit où il y avait ici le peuple de Thamoud qui avait existé, d'accord, les habitations ici du peuple de Thamoud. Ici ils habitaient dans cet endroit là ce qui s'appelle, ou qui s'appelle Al-Hijr. Donc ils sont passés dans cet endroit là, vers cet endroit là, et ce peuple là a été châtié par Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a fait qu'il y a eu un cri qui les a foudroyés. Et ici, pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne rendaient pas véridiques les paroles des prophètes ici, et ils persistaient dans leur égarement. Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés ici à travers un cri qui les a foudroyés. Quand ils sont passés par cet endroit là alors qu'ils se rendaient à Tabouk, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a ordonné de presser le pas, alors que c'était un endroit où la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala était descendue il y avait des siècles en arrière. Avec cela, quand ils sont passés dans cet endroit où il y avait le peuple de Thamoud qui a été foudroyé par Allah Azza wa Jal, par le cri qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, ici Allah Azza, le prophète Azza leur a dit, il leur a ordonné de presser le pas, de courir. Bien plus que cela, il dit ne passez dans cet endroit ou ne rentrez dans ces demeures qu'en pleurant, qu'en pleurant, et ne vous arrêtez pas dans cet endroit, ne prenez même pas de l'eau de cet endroit là et il leur a ordonné ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a interdit de rentrer dans les demeures, et il leur a dit ne rentrez pas dans les demeures de ceux qui avaient été injustes envers eux-mêmes, qu'en pleurant de peur que vous ne soyez atteints du même châtiment. Chauffe, subhanallah. Tellement que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala était forte au moment où elle s'est abattue sur le peuple de Thamoud. Des siècles après, le prophète Hassan dit cet endroit-là, il y a la malédiction qui est tombée dessus, il y a la colère d'Allah. Donc restez même pas dans cet endroit. Ça nous rappelle que quoi? De façon générale, ya Abdallah, même si toi tu n'as rien à voir avec ce que commettent des gens ahlul fasad, mais tu es dans un endroit où il y a le fasad, éloigne-toi de cet endroit-là. Surtout quand il y a des endroits, il y en a particuliers, où le fasad est vraiment concentré. D'accord? À titre d'exemple, tu sais que tu vas te rendre, je sais pas, dans un mariage par exemple, où il y a le fasad. Al-ikhtilat, al-musiqa, al-ghina, wal-iyadu billah, il y a des choses nuisibles, mal. Même si tu dis, moi c'est pas moi qui le fais, je te rends pas dans cet endroit. Car c'est des endroits où les endroits où il y a le fasad, où il y a la perversion, où il y a le mal, c'est des endroits qui sont propices à recevoir la colère d'Allah Azza wa Jalla, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sache que cet endroit-là, c'est quelque chose de néfaste pour toi, car si la colère d'Allah Azza wa Jalla tombe dans cet endroit, ou dans ces gens qui sont, ou les gens, sur les gens qui sont dans cet endroit-là, tu peux être concerné. Pourquoi? Tu n'avais rien à faire ici. Tu n'avais rien à faire ici. Donc quand tu vois des endroits très malsains, éloigne-toi de ces endroits-là. Regardez des siècles qui avaient passé. Il n'existait plus. Thamoud, le prophète, il dit ne passez dans cet endroit qu'en courant, ou bien si vous rentrez dans les demeures, qu'en pleurant. Qu'en pleurant, par crainte que quoi? Le châtiment d'Allah Azza wa Jalla vous touche. Subhanallah. Donc éloignez-vous de ces endroits malsains. C'est une réponse aussi à ceux qui disent, moi mes enfants c'est pas grave, ils peuvent aller n'importe où, c'est des enfants, ils ne rendront pas de compte. Ya Abdallah, c'est un endroit malsain. Ya Ukhti al-Karima, c'est un endroit malsain. S'il y a le châtiment d'Allah Azza wa Jalla qui descend dans cet endroit-là, peut-être ton enfant va recevoir ce châtiment aussi. Il faut s'éloigner de ces choses malsaines, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand on vit dans des endroits ici où il y a beaucoup d'endroits qui sont très malsains, très mauvais, etc. On s'en écarte. Vaut mieux s'en écarter. Et ici, c'est pour ça que le prophète alayhi salam nous rappelle que les endroits les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Al-masajid. Et les endroits les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Al-aswaq, c'est ici les marchés. Pourquoi? On sait très bien que dans les mosquées, il y a quoi? Al-dhikr, al-tasbih, al-tahmid, al-tahlil, qira'at al-Qur'an, le nom d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, des gens qui aiment Allah azza wa jalla, qui se réunissent pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses bonnes. Al-aswaq, de façon générale, on sait qu'il y a beaucoup de choses mauvaise. Il y a le mensonge, les gens qui jurent pour vendre leurs marchandises, des gens qui mentent, des gens qui crient, qui haussent le ton, de la mixité, il y a des choses qui font aussi beaucoup penser à quoi? À dunya, et qui nous font oublier al-akhirah, l'au-delà. Donc on voit ici que les endroits où il y a des choses qui sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut ici éviter d'aller au maximum dans ces endroits-là. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'aller dans l'aswaq. Mais le prophète Azim, il rappelle que quoi, c'est les endroits les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Comme les savants mentionnés, toutes les choses que je viens de citer précédemment. Que dire des choses où il y a des choses vraiment haram, claires, qui se font comme l'irtilat, comme je parle de l'irtilat, la mixité bien sûr, qui est très ambiguë, où les hommes sont collés avec les femmes, où il y a de la musique, où il y a de la vente d'alcool, où il y a de la consommation d'alcool, où il y a de la... Il y en a des choses qui sont vraiment détestées en islam. Il faut s'éloigner de ça. Et ça, c'est pour notre bien. Ça, c'est pour notre bien. Et c'est le moins qu'on puisse dire concernant cette affaire. Arrivé à Tabouk, ici, quand les compagnons sont arrivés à Tabouk, après qu'ils ont souffert énormément pendant la route, ils sont arrivés à Tabouk. Fatigués, épuisés. Maintenant, ils ont affaire à qui? Aux Byzantins. Comment s'est passée cette bataille? Et donc, il n'y a pas eu de Byzantins. Ils sont partis où, les Byzantins? Ils ont pris la fuite. Mashallah. Ils sont arrivés ici, ils devaient avoir affaire à cette grande empire byzantin, cette grande armée, qui était réputée pour être parmi les armées les plus fortes. Ils ont souffert énormément. Quand ils sont arrivés, les Byzantins ont pris la fuite. Par peur. D'accord? Ils ont eu peur, ils ont pris la fuite. Cette grande armée puissante. Khalas. Qu'est-ce qu'on en tire comme morale? Donc on entendait là la bataille de Tabouk, mashallah, etc. Là, c'est khalas, c'est ça, elle est finie la bataille. Ils sont arrivés, il n'y a plus personne. Non. Mashallah. Innama al-usri yusra. Auprès de la difficulté, il y a la facilité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. In tansuru Allah yansurkum. Si vous soutenez la cause d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala va vous soutenir. Clair? Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle que quoi ici? Comme on l'a dit déjà à Ghazwatu. Ça ressemble à quoi cette Ghazwa? Ghazwatu al-Ahzab. Qu'est-ce qui s'est passé à Ghazwatul Ahzab? Si on revoyage ici à travers Ghazwatul Ahzab, qu'est-ce qui s'est passé à Ghazwatul Ahzab? Est-ce qu'ils ont vécu un peu ce qu'ils ont vécu ici, les compagnons ici? C'est-à-dire peine, difficulté, etc. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'ennemi. Et quand ils voulaient rencontrer l'ennemi, il ne restait personne. Est-ce que ça s'est passé comme ça à Ghazwatul Ahzab? Si on prend Ghazwatul Ahzab et on prend le verset numéro 10. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب الآيات سأقسم لا غزوة تبوك با باري. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Mais est-ce que c'était le combat là ou c'était pas le combat? C'était pas le combat. C'était avant le combat. Regardez, subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Nul ne connaît l'armée de ton Seigneur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abdallah, ici on voit qu'Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Et c'est nous qui avons besoin d'Allah. Première chose. Deuxième des choses, Allah n'a rien à nous prouver. Mais nous, on doit prouver beaucoup à Allah. Troisième des choses, Allah Azza wa Jal, il ne devra pas rendre des comptes. Mais nous, on devra rendre des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle que quoi? S'il veut exterminer qui que ce soit, quand il veut quoi que ce soit, il dit quoi? Kun. Il dit juste simplement soit. Et qu'est-ce qui se passe? Essaie. Soit, essaie. Allah, il veut quoi que ce soit, il le fait. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve comme ceci? Il veut qu'on souffre, il veut. Pour voir si tu es véridique ou menteur. Pour te montrer vraiment, est-ce que tu mérites vraiment le paradis ou pas? Est-ce que tu es patient ou tu n'es pas quelqu'un de patient? On est dans un test. Ça, c'est encore une preuve. Regardez la réalité des choses. On est dans un examen. Il faut se mettre ça dans la tête. Là, dans la vie d'ici-bas, on est dans un examen. Mais pourquoi je suis éprouvé? Mais pourquoi il y a des koufars? Mais pourquoi Allah il a créé le paradis et l'enfer? Pourquoi Allah Azza wa Jal il fait que il nous a créé alors qu'il a des anges qu'il adore? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils, et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Allah, il veut qu'il a créé les êtres humains pour qu'on l'adore. Il veut qu'on l'adore. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné toutes sortes d'épreuves pour voir les véridiques et les menteurs. On n'a rien sans rien. Al-jaza ou min jinsil amal. Ici, si tu veux le paradis, il faut que tu prouves à Allah Azza wa Jal que tu l'aimes. Si tu as l'enfer, c'est que tu as mérité d'avoir l'enfer. Ici, c'est que tu n'as pas passé les examens comme il se doit. Allah Azza wa Jal, ça fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses serviteurs. Et comme le prophète alayhi salam a dit, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Et plus tu patientes, et plus ici tu reçois la satisfaction de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et tu te rapproches du paradis. Et tu te rapproches du paradis. Ja'a fi sahih, dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, quand les gens au jour de la résurrection verront la récompense qu'ont eu ceux qui ont reçu des épreuves ici-bas, ils vont dire, si simplement ou seulement on avait su, ici on aurait aimé être éprouvé ici-bas, avec une traduction approximative, jusqu'à ce qu'on nous coupe ou nous déchire la peau avec des cisailles ou des ciseaux. Hadith authentique, comme l'a dit Cheikh Al-Albani. Ici, c'est quand on va voir la récompense qu'ont eu les patients, on va dire, seulement j'avais su, j'aurais aimé que même qu'on me coupe, imagine-toi, ta peau avec des ciseaux ici-bas. Tellement que tu vas voir la grande récompense qu'ont eu ceux qui ont patienté. Allah Azza wa Jal, il veut. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, ya Abdallah, il a rien à nous prouver. Et Allah, il veut simplement que tu utilises les causes. Et Allah Azza wa Jal, à la fin, souvent, il te donne un nasr, le secours, d'où tu ne t'attends même pas. Pour te rappeler que c'est lui qui donne, c'est lui qui secourt, c'est lui qui reprend. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Et que ce qu'il y a en face de toi, ce n'est que des causes. Et les causes ne peuvent nuire et profiter en rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui met les faits dans les causes. Jalla jalaluh. Donc c'est pour ça qu'on se doit de patienter et ne pas dire ça sert à rien. Quelquefois quand on veut faire des causes, ça sert à rien, je n'aurai pas ça, c'est impossible. Ce n'est. Ça c'est les critères de qui? Le fait de dire jamais. Des koufars, quand ils ont dit quoi? Nous ne croirons jamais à ce livre. On a vu ça dans Tafsir al-Qur'an al-Karim. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit len nu'mina, len, c'est-à-dire jamais, on ne croira jamais à ce livre. Et ça, c'est quoi? Les paroles des orgueilleux, des kuffars, wal'iyadu billah. Nous dit jamais, par exemple, quand tu veux faire un projet, jamais j'arriverai. Jamais Allah va me pardonner. Jamais j'apprendrai le Qur'an. Jamais je deviendrai un prédicateur. Jamais je ferai du bien. Jamais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une grande porte qu'a ouvert Shaitan et Abdallah pour te faire désespérer. Pour te faire désespérer, pour rester toujours en arrière. Va toujours de l'avant, place ta confiance en Allah, et le fait de placer sa confiance en Allah, Azza wa Jal, c'est quoi? Al-akhdhu bil-asbab. C'est d'utiliser les causes, ya Abdallah. Donc, utilise les causes comme il se doit, invoque ton Seigneur, et place ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde. Ici, Allah les fait éprouver. Que ce soit Ghazwatul Ahzab ou bien Ghazwatul Tabuk. Des épreuves, la peur, etc. Ici, dans Ghazwatul Tabuk, ici, ils étaient affamés, ils étaient assoiffés, et des kilomètres et des kilomètres, à pied, etc. Les hypocrites qui trouvent mille excuses, etc. Pourquoi? S'ils avaient su, les hypocrites, qu'à la fin, les autres, ils auraient pris la fuite. Mais tout le monde a dit, ah, khlas, nous, on est là avec toi jusqu'à la mort, t'inquiète pas, ya Rasoul. Mais ils savaient pas ça. Donc déjà, ils ont dit, déjà, tape juste la route, ouais, ça, après, quand on va arriver, on doit combattre. Donc ils ont dit, c'est quoi? Donc, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne quoi? Le secours d'où tu ne t'attends même pas. Qu'est-ce qu'ils se seraient dit, eux? Ici, on va arriver, il n'y aura personne. L'Empire byzantin, il n'y a personne. Ils ont pris la fuite. Au moins, on va les battre. Il n'y a personne. Khlas, rih. Ghazwatul Ahzab, Allah Azza wa Jal, il parle de cette ghazwa dans le Coran al-Karim. Et regardez qu'est-ce qu'il dit quand il a dit, oui, il a montré la peur qu'ont ressenti les compagnons, etc. Khlas, le moment de la bataille arrive. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit ensuite? Il dit dans le Coran al-Karim, ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 25, et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Regardez, Allah dit, Allah il a épargné aux croyants le combat, alors que quoi? وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Allah Azza wa Jalla rappelle le comportement, la secousse, ils ont été touchés d'une violente secousse, ils étaient éprouvés énormément. Allah il a épargné aux croyants le qital. pour l'Ahzab et pour Tabouk. Khlas. Allah il te donne Nasr d'où tu ne t'attends pas. Toi, ce qui était demandé à Abdallah, c'est d'être véridique envers toi-même, envers les gens, envers Allah. De pas être un paresseux et un feignant. D'accord? De sacrifier pour ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. De soutenir la cause d'Allah Azza wa Jal. Si vous soutenez la cause d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal va vous soutenir comme Allah il dit, Intansurullah, yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum, wa yaghfir lakum dhunubakum. Il va vous raffermir et pardonner vos péchés. C'est ce qui t'est demandé. Après Nasr, cherche pas à comprendre. Tukal ala Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Abadan, Allah il va jamais te laisser, wal iyadhu billah. Abadan, ça n'existe pas. Mais ça, il faut quoi? Patienter. Et plus tu vois les portes qui se ferment devant toi, retiens toujours ça, plus tu vois que les portes se ferment devant toi, que tu sens, yani tu te sens dans les ténèbres. Tu vois que t'es dans dunya, mais t'es plus dans dunya tellement que t'as des épreuves. Sache que ça, c'est la preuve que quoi? Le secours, il est proche. Ça, c'est la preuve que quoi? Ça y est. Le secours, il est proche. Inna nasra ma'a sabr. Wa inna al-faraj ma'a al-karb. Wa inna ma'a al-usri yusra. Allah, il veut t'éprouver. Quand on peut plus, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, il donne pas une âme, une charge au-dessus de sa capacité. Allah, Azza wa Jal, te donne quoi? Al-nasr. Et d'où tu ne t'attends pas? Pourquoi? Être reconnaissant envers ton Seigneur et reconnaître que c'est Allah qui t'a secouru. Comme pour la crainte d'Allah, Azza wa Jal, parmi les fruits de la crainte d'Allah, Azza wa Jal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, on va lui donner des issues favorables et lui donner sa subsistance. D'où? Il ne s'attend même pas. Faut te rappeler encore, Al-Razzaq, c'est Allah Azza wa Jal. Al-Qawi, c'est Allah Azza wa Jal. Al-Fattah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne, celui qui facilite, celui qui donne la subsistance, c'est qui? C'est Allah. Allah, il te dit toujours, d'où tu ne t'attends pas? Le combat, d'où il ne s'attend pas? Al-Rizq, d'où tu ne t'attends pas? Donc, pour te rappeler que c'est Allah qui donne. Et c'est ça, Al-Aqidatu Sahiha. C'est ça, Al-Tawhid, l'unicité. Avoir ici une bonne compréhension de Tawhid. Ce n'est pas simplement de dire, je mets un titre, At-Tawhid, je vais faire un cours avec le nom de Tawhid pour dire aux gens, nous on étudie Tawhid. Et quand tu le vois dans une épreuve, il flanche, ou la soeur elle flanche. T'as fait quoi Tawhid? T'as appris Tawhid? T'as rien appris comme Tawhid? T'as appris quelque chose de mécanique, c'est tout. Ça c'est Tawhid, c'est vivre. Eux ils vivaient avec Tawhid ou pas? Ils vivaient avec quoi? At-Tawakkul an Allah. At-Tawakkul, ça c'est quoi? C'est ça la croyance du musulman. Il place sa confiance en Allah et pas aux gens. Il demande à Allah et pas aux gens. Wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu cherches secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, ce qui nous est demandé, nous, et ce qui nous importe, de placer sa confiance en Allah azza wa jal face aux épreuves. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et le raffermissement. Ala kulli hal, ici, ils sont entrés à Médine, ils ont fait marche arrière, donc ils ont vu, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui secourt. Ils ont fait marche arrière, alhamdulillah, ils sont repartis vers Médine. Et là, ici, ils les ont bien sûr accueillis, ici, de façon très chaleureuse. Alhamdoulilah, tout le monde est sorti. Les femmes, les enfants, les hommes, les personnes âgées, tout le monde sont sortis pour les réceptionner, pour les accueillir. Et ici, quand ils sont rentrés, ou plutôt avant, parlons un peu avant, parce que je souhaitais une petite histoire, qui est très connue. Et c'était pendant qu'ils étaient... Ils étaient partis dans cette expédition-là. À un moment, quand ils ont fait halte, et là on parle encore des gens qui ont des maladies dans leur cœur, Allahu musta'an. Et ça c'est une bonne leçon à apprendre, et je pense que tout le monde le connaît, je le cite assez souvent. Lakin ala kulli hal, pour savoir, c'est bien de connaître asbab al-nuzul. Quand on regarde le Coran al-Karim, et quand on lit le Coran al-Karim, on regarde tafsir. Le tafsir ici, on regarde plusieurs tafsir si vous voulez, ici les explications ici d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala par exemple qui est très connu, etc. Il y en a des savants qui ont rapporté les paroles de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum concernant ici l'explication de tel verset, de tel verset, de tel verset. Et quelquefois des versets, ils ont ce qu'on appelle asbab al-nuzul, des causes et circonstances de descente. Ce verset est descendu pour telle situation. Ça ne veut pas dire qu'il est khas, particulier à cette situation. Donc il est général tant qu'on n'a pas une preuve qu'il est particulier à cette situation. Ala kulli hal, ce qu'on appelle asbab al-nuzul. Quand on regarde asbab al-nuzul du verset coranique que je vais vous citer, on voit que c'était à Ghazwat Tabuk. Et c'était des gens qui étaient malades. Des gens qui étaient malades. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim concernant ces gens qui étaient malades. Ces gens qui ont dit ou qui ont ri sur le prophète et les compagnons. Vous connaissez tout cet événement où ils se sont mis à rire sur les compagnons sur le prophète alayhi salam. C'était quand? Ghazwat Tabuk. Comme il le mentionne Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit, il y avait un homme qui avait dit devant une assemblée, devant une assemblée. Il dit, je n'ai jamais vu de plus gros mangeur de plus gros menteur, je n'ai jamais vu de plus gros mangeur, de plus gros menteur et de plus grand peureux lors de la rencontre de l'ennemi que ceux qui mémorisaient le Coran. Un homme présent dans la mosquée lui dit alors, tu as menti, tu as menti. Et ils disent, certes, tu es un hypocrite, je vais en informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pris compte de ces paroles-là, il les a appelés. Je dis, qu'est-ce que vous avez dit là? Ils ont dit, on était en train de parler, de bavarder, et on était en train de rigoler simplement, ya Rasulallah. Nous, juste simplement rigoler, c'était pas méchant. Le prophète, Allah, azza wa jalla, dit pas dans le Coran al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ الْآيَاتِ. Allah Azza wa Jalla dit, si tu étais rude, dur de cœur, ou dur, rude de cœur, ici ce serait enfui de ton entourage, pardonne-leur, etc. Donc, prophète, c'était, sahib al-rahma, ici c'était une personne qui a beaucoup de rahma, de miséricorde, de compassion envers les gens. Est-ce qu'il va comment il a réagi le prophète avec dureté ici ou pas? Il a réagi comment? Avec dureté. Ici, est-ce qu'il est, il leur a dit, c'est pas grave, c'est masha'Allah, Allah yidikoum. Là, c'est pas de la rigolade, là. On parle de quoi? De religion. Ils ont ri sur la religion. Ils ont ri sur la religion, sur des croyants. Ils ont pris la religion en raillerie. Allah Azza wa Jalla a révélé le verset coranique. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah Azza wa Jal, ici il a révélé le verset coranique, et si tu les interrogeais, il dirait très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder, jouer et plaisanter. Allah il dit dans le Coran al-Karim, nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Allah Azza wa Jal a dit, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. C'est pour ça, Ahlul Ilm, ils disent, et Cheikh Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il cite ici un chapitre qui est, yani, le fait, et il mentionne le fait de sortir de l'islam par la cause de la moquerie, le fait de se moquer de la religion. Ici, il rappelle que c'est une des causes, ça fait partie de nawaqid, yani, al-islam, des actes annulatifs ou des annulatifs de l'islam. Parce qu'il y a plusieurs choses qui annulent l'islam. Et parmi ces choses-là, rire sur la religion. Rire sur le Coran. Rire sur la Kaaba. Rire sur Allah, rire sur les compagnons, rire sur le prophète alayhi salatu wasalam, rire sur Sirat, rire sur le Mizan, rire sur le jour de la résurrection, rire sur Nakir wa Munkar, rire sur la tombe, rire sur toutes ces choses-là, ça fait, ou c'est une cause qui fait que tu sors de l'islam, wa l'ayyadu billah. Tu sors de l'islam. Kafir. Khlas, t'es tombé dans l'apostasie, wa l'ayyadu billah. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc ici le fait de rire sur la religion comme ça, ici et persister dans ça, ça peut être une cause que tu sors de la religion. On n'est pas là pour dire un tel il a ri, il est sorti de l'islam. Non, mais nous ce qui nous importe c'est de savoir ça pour que nous on tombe pas dedans. C'est la première des choses. Nous on tombe pas dedans. Un m'a appris que dire un tel, nous on dit le caractère général, ou le hukm, le jugement général de la chose. Quelqu'un qui rit sur le prophète, alayhi salam, qad kafartum. Ici, vous avez mécru. Amma dire, tu t'es un tel, il l'a fait un tel. Non, c'est pas non. Mais nous, c'est pour apprendre. Pour qu'on apprenne à ne pas tomber dans ça. Donc, attention, ayyuha al-ahbab, de rigoler, ou bien, d'écouter, de cautionner ceux qui rigolent sur la religion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des comédiens, mashallah, il y en a plein. Ici, qui, quelquefois, ils disent des choses qui, on est content d'écouter. Ils disent sur certains groupes de personnes, sur certaines personnes, des choses, tout le monde rigole. Là, ça va. Mais à côté, on ne sait pas que ce comédien-là, par exemple, il fait des sketchs et des sketchs sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sur les compagnons, et les gens rient. Subhanallah. Et nous, on cautionne ce genre de personnes. Ce n'est pas un jeu, la religion. À partir du moment où une personne prend en raillerie la religion, il se moque. Comme nous, on respecte les autres religions. Nous, on n'est pas pour que des gens viennent et critiquent. Ou alors, ici, rentre dans des églises et saccage des églises, urine dans des églises, ou alors urine sur des choses qui sont symboles, hein, des symboles pour eux dans leur religion, etc. Nous, on est contre. La religion, touchez pas. La religion, ça se touche pas, c'est un respect, c'est comme ça. Nous, on veut pas qu'on insulte ou qu'on rie sur Jésus, alayhi salam, sur Moïse, Moussa, alayhi salam, comme sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme sur Daoud, comme sur... Nous, c'est la religion, on touche pas. Donc comme nous on respecte, on veut que nous l'islam, on nous respecte. On ne joue pas et on ne prend pas en raillerie la religion. On est fiers de notre religion, on ne prend pas en raillerie la religion. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que quand on voit des musulmans qui prennent en raillerie la religion, al-ayyadhu billah. Comme ils disent al-ulama, le fait de rire sur des choses qui font partie de la religion. Exemple, la barbe, ça fait partie de la religion? Ça fait partie de la religion ou pas? Le prophète al-Sallam, est-ce qu'il avait la barbe? Non, mais il avait, bi-ijma' al-ulama, il avait la barbe, al-Sallatu wassalam. La meilleure des créatures sur la surface de la terre, c'est qui? Alayhi afdalu salati wa taslim. C'est la meilleure des créatures. Essaie de le ressembler, il avait la barbe. Quelqu'un vient et il parle au nom de la religion et il rit sur des gens qui ont la barbe. Les barbus, ils rigolent, etc. Ça, c'est du coup, ça peut être, dans beaucoup de cas, ça peut être du kufr wal-iyadhu billah. Ça peut être de la mécréance wal-iyadhu billah. Il peut tomber à cause de cette parole dans kufr. Et quand on voit les hadiths et les versets coraniques concernant le fait de parler ou de dénigrer ou d'accuser une personne, sans vérifier ou sans prêter attention. Quand on voit tous les versets coraniques ou les hadiths où le prophète et Allah ont mis en garde contre le fait de se précipiter à parler, à juger, à critiquer, à dire des choses avec la langue, si la personne après ça, elle ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Ici, le prophète n'a-t-il pas dit que la personne ou le serviteur peut dire kalima, une parole, il lui donne aucune importance alors que cette parole, c'est la cause que quoi? Qu'il est plongé en enfer, wal'ayyadhu billah. Une parole. Il sait pas, il donne pas d'importance, khalas. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran al-Karim wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim? Vous dites des choses ou alors vous faites ou vous pensez que cette affaire ou telle affaire, yani, elle est, c'est une chose qui n'a pas beaucoup d'importance, hayyinan, c'est pas grave. Wa 'inda Allahi 'azim, wa huwa 'inda Allahi 'azim, alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est énorme. On peut pas négliger les choses surtout sur la religion, ne rigolez jamais sur la religion ou sur les signes ou les versets coraniques, tout ce qui a trait à la religion, ne le faites pas. Allah Azza wa Jalla leur a dit la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ala kulli hal, on revient au retour. Ils sont retournés à Médine, pas de combat alhamdoulillah, mais Allah Azza wa Jalla a encore montré les ici de façon ouverte les gens qui avaient des maladies dans leur cœur. Ils sont revenus et quand ils sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était plus qu'à une journée ou deux de Médine, et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a eu al-wahi, la révélation. Et il a appris par Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, ici, qu'il y avait des personnes qui avaient une mauvaise intention. C'était des personnes qui ont été faire quoi? Un acte noble en soi-même. C'est quoi? Construire une mosquée. Vous connaissez encore ce récit. C'était Ghazwat Tabuk. Ils ont construit une mosquée. Masha'Allah, quelqu'un dire construire une mosquée. Donc ça nous apprend à quoi à la biographie du prophète alayhissalam? À forger une personnalité. D'accord? À se forger une personnalité comme le prophète alayhissalam l'a voulu. À ressembler à ceux qui ont reçu l'éducation du prophète alayhissalam, les sahaba radiyallahu anhum ardahum. C'est pas parce que quelqu'un va faire une chose au nom de la religion que tu te dis, oh, c'est mon frère, je l'aime en Allah, mashallah, il fait que du bien. Ah ben, attention. Allah et le prophète, et vous avez dû le comprendre à travers les centaines de cours que j'ai donnés, Allah et le prophète nous rappellent que quoi? Dans la communauté, dans nos rangs, il y aura des malades. Dans la communauté, dans nos rangs, il y aura des gens qui vont faire al-fitan, répondre al-fitan, les troubles. Il y a des gens qui sont dangereux dans nos rangs. Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran al-Karim, وَجَعَلْنَا, et on a fait de certains d'entre vous une fitna pour d'autres, أَتَصْبِرُونَ, est-ce que vous allez patienter? Allah il dit dans le Coran al-Karim, on va faire de certains d'entre vous une épreuve pour d'autres. Est-ce que vous allez patienter? Certains d'entre vous. C'est comme ça. Donc ici, regardez, il y a des gens qui ont fait un acte noble. Ça suffit pas de faire un acte noble. Allah Azza wa Jalla n'accepte une action venant de nous qu'avec deux conditions. La première des conditions, c'est al-ikhlas, la sincérité. Et la deuxième, c'est que cette action soit conforme, d'accord, à la législation. C'est clair? Pour pas tomber dans une innovation. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Et ici, ils ont fait quoi? Un acte qui est conforme à la législation, construire une mosquée. Mais elle est où l'intention? Ici, Jibril alayhi salam, il a révélé au prophète alayhi salam, attention, ceux-là, ils ont pas fait cette mosquée, car le but de la mosquée, c'est quoi? Réunir. D'accord? Salatul jama'a en groupe, la prière de groupe. C'est pour réunir les croyants. Mais eux, ils l'ont fait, non, c'est pour diviser. C'est pour diviser. C'est ce qu'on appelle masjid. Al-Masjid, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Ad-Dirar. Donc ici, cette mosquée qui est la mosquée, si on veut, nuisible, qui a apporté que du mal, c'était pourquoi? Pour diviser. Et en plus de ça, ils ont dit à Rasulallah, regardez les vicieux, viens prier dans notre mosquée. Pourquoi? Pour donner le tampon. Khalas, t'as cautionné notre mosquée, le prophète il a prié ici. Vous imaginez, le prophète il a prié ici, donc c'est bon ce qu'on fait. Regardez, certaines personnes, ils vont chercher ce qui les arrange. D'accord? Wal'iyadhu billah. Et combien de personnes on retrouve qui ont, dans notre communauté qui ont ce comportement? Allah al-musta'an, illa ma rahim Allah. Ici, ils vont prendre ce qui leur arrange, même des vérités qui leur arrangent pour pouvoir quoi? Masquer leurs dégâts, masquer leurs mauvaises intentions. Le prophète alayhi salam au début, il a accepté, Jibril lui a révélé, attention. Ceux-là, ce sont des gens qui veulent faire al-fitan. Et ici, le prophète alayhi salam, il n'est pas parti pour prier, mais il a donné l'ordre de quoi? De détruire cette mosquée-là. Détruire une mosquée, c'est grave. Voilà qui nous, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est l'union ou la désunion? L'union. Même s'il y a un acte noble ou un frère musulman qui vient et au nom de la religion et au nom de je ne sais quoi, il fait 1000 bonnes actions. Mais à travers son action qui de façon apparente est bonne, je dis de façon apparente, mais on voit qu'à travers son action, ici les fruits ne sont que des fruits amers, c'est-à-dire la division au sein des musulmans, on rejette lui son action. Et on se débarrasse de son action. On se débarrasse de son action. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا. Allah Azzurri dit, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qu'il la prépare pour celui qui auparavant avait combattu à Allah. Qu'il la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant, nous ne voulions que le bien. Ceci, ou plutôt cela, Allah atteste qu'il mente. Il y en a plein, ils disent quoi? Allah, on veut que le bien. Allah Azza wa Jalla atteste qu'il mente. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? À celui qui a fondé son édifice sur at-taqwa, la piété et l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Regardez kalam Allah. Regardez Allah Azza wa Jalla comment il parle de ces personnes. On va dire, mais ils font bien, ils font du bien. Regardez ici l'exemple qu'Allah Azza wa Jalla a donné concernant ces personnes-là. Ils font quelque chose, mais quoi, ça ne tient sur rien, sur le batil. Sur le quoi? Le batil. Et on avait dit, et on le répète souvent, inna al-batila kana zahuqa, il est voué à disparaître, le batil. La preuve, écoute Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit? Ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer, innal batila kana zahuqa. Parce que toutes les choses que font les gens qui ont des maladies dans leur cœur ou qui ont des mauvaises intentions, wallahi al-azim, jamais, ça a toujours été comme ça, jamais ça dure. Jamais ça dure. Lakin, nous on est là pour mettre en garde les gens qui suivent n'importe qui. D'accord? Dans n'importe quelle situation. Faut faire attention. On n'est pas là pour juger les intentions, on ne peut pas juger les intentions, on n'a pas les capacités. On juge les actions, mais ici, il faut voir aussi qu'est-ce qui découle de ces actions-là. Il y a des gens, quelquefois, ils viennent avec une belle apparence, avec de belles paroles, comme le prophète, alayhi sallam, il a dit, inna min al-bayani, la sihra. Il y a parmi, dans certains discours, il y a une certaine magie. Et tu vois le résultat, quand des personnes viennent avec soi-disant la vérité, tu vois que derrière, ils laissent que des dégâts, des désunions, etc. Comme le prophète, alayhi sallam, il a dit dans Sahih, quand vous voyez une personne qui désunit entre un groupe ou entre deux personnes, faqtulou. Le prophète, alayhi sallam, qu'il a dit, ça ne veut pas dire que nous on doit le tuer ou qu'on a, non, abadan. Mais comme disait l'ulama, c'est pour montrer la gravité de cette personne, il faut s'écarter de cette personne. Sahih, muslim. Donc ici, on est contre les gens qui créent la désunion, et contre les gens ici, qui créent le fitan wal-iyadu billah. Amma, vouloir unir tous les musulmans sur le batil, ça nous intéresse pas aussi. Ça nous intéresse pas aussi. Parce qu'on a rappelé qu'il y a des gens qui, quelquefois, tu fais tout pour les mettre avec toi, mais Allah Azza wa Jalla rappelle que ces gens-là, ils vont quoi? Ils vont créer la désunion et ils vont faire le fitan. Non, on veut des gens solides et on veut réunir les musulmans sur quoi? Al Qur'an wa Sunnah bi fahmi salafil umma, le Coran et la Sunnah avec la compréhension des ancêtres pieux, et c'est ce qui nous importe. Ala kulli hal, pour terminer ici, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, il a commencé par venir à la mosquée, et c'est ça relève de la Sunnah. Quand le prophète alayhi salam revenait de voyage, il allait directement où? À la mosquée d'abord. Et il priait deux rak'at. Il a prié rak'atayn, alayhi salatu wassalam. Il s'est assis. Ikhlas. On rend les comptes maintenant. Il y a à peu près 80 personnes qui n'ont pas participé à la bataille, qui sont venues voir le prophète, alayhi salam. Ya Rasulallah. Wallahi, pardon, on ne pouvait pas venir parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, mes enfants, ma mère, ma ceci, ma cela. Et allez les excuses. Masha'Allah. Ils ont demandé pardon. Le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a pardonné. Mais il y en a trois. Et c'est deux qu'on va parler la semaine prochaine, bi'inillahi azza wa jalla. Et parmi eux, le grand compagnon, Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qui sont venus, et c'est ceux-là qui sont restés à l'arrière. Ils n'avaient pas d'excuses. Et eux, ils sont partis voir le prophète alayhi salam, ils ont hésité. Au moins, ils se disent, bon, je vais dire ça. Vous voulez, il y en a détourné un peu la vérité. Ka'b ibn Malik radiallahu anhu arda. Et quand il s'est approché du prophète, il a dit, wallahi, je mentirai pas au prophète, je peux pas. C'est impossible. Il a dit à Rasulallah, ya Rasulallah, je n'ai aucune excuse. Pardonne-moi, j'ai aucune excuse. Je vais pas dire j'ai des excuses comme les autres. J'ai aucune excuse. Je suis resté ici alors que j'avais les moyens, j'avais l'argent, j'avais tout. Il était resté en arrière alors qu'il était dans le confort. Il avait deux femmes. Il avait tout ce qu'il fallait pour ici rester tranquille. J'ai été attiré par Dounia Khlas. Je suis resté en arrière. Le prophète, est-ce qu'il lui a pardonné? Il lui a? Mais il a été véridique. Ka'b ibn Malik, il a été véridique. Amma les autres qui ont cherché des fausses excuses, certes, ils ont détourné la vérité, etc. Ils ont été pardonnés. Mais on va voir le résultat d'être véridique. Mais ici, tu payes quand même. T'as fait une erreur, tu payes. Et regardez le prophète, alayhi salam, comment, on va voir comment il a réagi en faveur ou envers Ka'b ibn Malik et les deux autres grands compagnons, radiyallahu anhum ardahum. Et qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de jours jusqu'à ce que les compagnons leur passaient même plus le salam. Ils n'avaient même plus le droit d'avoir des rapports avec leur épouse. Ils les ont mis de côté. Ils leur vendaient plus rien. Ils leur achetaient plus, ils faisaient plus de commerce avec eux. À la kulli hal, le prophète Hassan les a exilés totalement. Ici, en guise de punition par rapport à quoi? Le comportement qu'ils ont eu alors qu'ils sont restés en arrière. Et regardez qu'est-ce qu'il y avait en face d'eux. Et regardez le comportement qu'ils ont eu. Et Allah a parlé d'eux dans le Coran al-Karim. Que dire de nous quand quelquefois on trouve 1000 excuses juste pour aller porter une petite pierre ou pour aller faire une petite commission? On est très loin de la vérité, wallahu musta'an. Et ça, on le verra la semaine prochaine, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fina wa fikum.